The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Talkative. Loquace. To file a complaint. Déposer une plainte. Sometime in. Courant. District Attorney. Procureur de la République. Fraud. L'escroquerie. To steal. Dérober. Treasury Bureau. Brigade financière. Crème de la crème. La crème. Lucrative. Juteux. Cryptogram. Le cryptogramme. Now, a bit faster. Fraud. L'escroquerie. District Attorney. Procureur de la République. Talkative. Loquace. Sometime in. Courant. Fraud. L'escroquerie. Sometime in. Courant. Lucrative. Juteux. Crème de la crème. La crème. District Attorney. Procureur de la République. Cryptogram. Le cryptogramme. Treasury Bureau. Brigade financière. Sometime in. Courant. Treasury Bureau. Brigade financière. Cryptogram. Le cryptogramme. Sometime in. Courant. To file a complaint. Déposer une plainte. Treasury Bureau. Brigade financière. To file a complaint. Déposer une plainte. To steal. Dérober. Lucrative. Juteux. Talkative. Loquace. Now, use the words in context. Loquace. That man is a little too talkative for my taste. Cet homme est un peu trop loquace à mon goût. Déposer une plainte. She never dared go to the police to file a complaint, so her husband continued to get away with mistreating her. Elle n'osa jamais se rendre à la police et déposer une plainte, ainsi son mari continua à la maltraiter en toute impunité. Courant. According to the report that came out yesterday, the embezzlement happened sometime in June 1996. Après le rapport publié hier, les détournements de fonds auraient eu lieu courant juin 1996. Procureur de la République. The district attorney is a magistrate that aims to represent and defend the interests of society. Procureur de la République est un magistrat qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts de la société. L'escroquerie. That individual was also a victim of credit card fraud and his bank account was cleaned out. Le particulier a lui aussi été victime d'escroquerie à la carte bleue et son compte en banque a été vidé. Dérobé. He didn't pull off stealing that necklace without the jewelry store alarm going off. Ils ne réussirent pas à dérober ce collier sans déclencher l'alarme de la bijouterie. Brigade financière. The head of the company, summoned by detectives of the Treasury Bureau, denied having misappropriated the 10 million francs missing from the company's accounts. Le chef d'entreprise, convoqué par les policiers de la brigade financière, a nié avoir détourné les 10 millions de francs manquant dans les comptes de l'entreprise. La crème. The who's who of the international rock scene came out for that tribute to John Lennon. Pour cet hommage à John Lennon, la crème de la scène rock internationale s'est déplacée. Juteux. Opium, a very lucrative traffic for Afghanistan, could account for more than half of the country's GDP. Opium est un trafic juteux pour l'Afghanistan et représenterait plus de la moitié du PIB du pays. Le cryptogramme. Pour effectuer cette transaction, nous aurons également besoin du cryptogramme se trouvant en dos de votre carte bancaire.